C'est dans la cuisine de la maison d'Irlande que j'ai rencontré Stefano et sa bande. Silvano cuisinait une jeune fille à ses côtés. Ses cheveux noirs me rappelaient la couleur de mes pensées. Ses cheveux noirs m'incitaient à une chose, aller me coucher. C'est dans la cuisine de la maison d'Irlande que si tu voulais, tu pouvais parler toutes les langues. Cecilia et Carolina t'apprenaient un mauvais espagnol, mais quand elle dansait, ça rendait les nuits un peu plus folles. Et lorsqu'elle chantait, on entendait souvent mi corazón. Certaines personnes qui passaient par là devaient penser qu'on était fou. Pourtant je crois qu'en était le bonheur. D'autres qu'on ne connaissait pas nous regardaient avec dégoût. Mais moi je crois qu'ils avaient peur. Tout le monde s'aimait dans les chambres de la maison d'Irlande. Moi, honnêtement, je pensais à ma chère et tendre. Oh, bien sûr, il y avait Monica, mais elle était trop bien pour moi. Un seul de ses regards et vous deveniez le plus beau des hommes. Un seul de ses regards et que ma chère et tendre me parle. C'est dans la cuisine de la maison d'Irlande qu'un soir Monica a tout fait pour me surprendre. Elle a commencé par le haut, moi je lui ai pourtant dit que je voulais pas, mais on a quand même fait l'amour comme des malades jusqu'au matin, jusqu'à ce que je comprenne que tout n'était qu'un rêve, tu t'en doutais bien. C'était la vie, c'était l'occasion de s'abandonner aux passions et de pouvoir ouvrir son cœur. On était blanc ou tout noir, l'important c'était d'être bon et pas de croire qu'on était meilleur. Non, chaque fois qu'on voyait du noir, il fallait chanter une chanson, certains pleuraient. Il le fallait. Un peu triste et nostalgique, on quitte pas comme ça sa maison. Bien sûr c'est dur, pense au futur. Et si t'as confiance en moi, fais tes valises et passe la porte. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'attends? T'attends d'avoir 50 piges pour regretter de pas y être allé. Mais tu diras, j'avais pas le temps, non, non, non, non, non. Et je suis bien dans mon pays, pourquoi j'irais me faire chier à l'heure? T'as bien raison, c'est pas important, non. Mais sache que cette expérience n'apporte que quelque chose de bon, la tolérance, l'amour, la passion.